Vous écoutez l'émission de l'auteur et philosophe Alexandre Timon, Les Révolutionnaires de Salon, sur Radio Impact. Bonjour à tous, bienvenue dans le Salon des Révolutionnaires. On va parler dans notre salon aujourd'hui avec les plus grands réalisateurs de notre époque. Ça va être une émission sur le cinéma. On va recevoir Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et Sergio Leone qui vont passer prendre un petit martini dry sec. On va regarder toutes les techniques, comment faire un film de qualité. Ça sera pas trop compliqué. Avec un petit budget, on peut réaliser de grands films. Il s'agit d'avoir du talent. Puis en étudiant la vie des grands réalisateurs, on va tout constater ça. Premièrement, pourquoi c'est difficile de faire un film? Ben parce que ça comprend tous les arts, les 7 arts. Comme par exemple l'architecture. Il faut que ça soit impressionnant au niveau des formes. Après ça, la sculpture. Ça, c'est comme les personnages, les décors qu'on va voir en arrière. Les arts visuels, peinture, dessin, même chose. La musique du film est super importante. C'est ce qui va faire que le film, on va être plus dans l'ambiance ou non. Après ça, la littérature, la poésie. Ça, dans le fond, c'est le scénario. Ça prend un bon scénario, des bons dialogues. C'est ça qui va faire que le film va prendre. Ensuite, le sixième art, la danse, le mime, le cirque, le théâtre, le jeu des acteurs, les rôles, puis le septième art, le cinéma. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Il faut faire comme des tableaux en utilisant des super beaux décors. Il faut essayer de créer de la magie au fil des plans qui défilent, des scènes, des dialogues. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, de tout combiner les 7 arts, les 6 arts dans le même art, ben là, il faut vraiment être chevronné. Puis, c'est ce qui est assez complexe à faire, mais il y a moyen d'y arriver. Premièrement, il faut savoir, le cinéma, c'est comme un tour de magie, en fait. Un tour de magie, quand on le regarde, tout a de l'air vrai, mais en arrière, tout est faux. Parce que, justement, un tour de magie, ben c'est tout arrangé à l'avance pour que l'effet spécial arrive au bon moment, puis que la personne regarde de l'autre côté au bon moment aussi. Donc, un tour de magie, ben, ça dure quelques minutes, tandis qu'un film, ben, il faut que ça dure 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 30. Donc, c'est comme un tour de magie qui durait 1 heure de temps, là. Donc, c'est d'autant plus difficile à effectuer. Après ça, dans le fond, tout est faux parce que finalement, les acteurs, actrices, ben, ils disent des affaires qu'ils pensent pas. Après ça, les décors, ben, souvent, sont faux. C'est des studios. La plupart fonctionnent en studio parce qu'ils peuvent tourner à n'importe quelle heure, n'importe quand. Donc, c'est beaucoup plus facile. Après ça, ben, les accessoires, souvent tout est faux. Les armes sont fausses, les vêtements, les différents artefacts là, dans le décor, tout est faux. Après ça, l'intrigue est fausse. Toute l'histoire, c'est tout inventé par un scénariste ou un dramaturge, un écrivain. Donc, quand on regarde un film, pourtant, tout a de l'air vrai. C'est que c'est assez surprenant. Sauf que tout est faux, à 80-90% faux. Puis les gens aussi, les acteurs-actrices qui ont des émotions dans un film, ben c'est des fausses émotions aussi, là. Donc, quand on comprend ça, tout est fake dans un film, pas mal, mais tout a de l'air vrai. Et puis, ça comprend toutes les arts à la fois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est absolument machiné là, du début à la fin. Donc, une fois qu'on comprend ça, ça donne une perspective plus large à savoir comment réaliser un film, là. Un court-métrage, moyen ou long-métrage. Mais là, moi, je vais m'attarder plus au long-métrage, là, quoique c'est des procédés qui peuvent fonctionner à tous les autres. Une chose aussi qu'il faut comprendre, dans l'univers du film, je suis vraiment comme dans la présentation du sujet, là, dans la contextualisation, c'est que, aussi au niveau des accessoires, comme je disais, tout est faux, mais... Justement, par exemple, si on a à imiter une mitraillette ou des armes, ben est-ce que ça serait mieux, par exemple, d'utiliser du métal, du bois, du carton ou du savon ou du plastique? Ben en fait, on serait porté à penser que ça prendrait du métal pour imiter une arme de façon plus précise, mais en fait, non. Si, par exemple, l'arme, l'artefact, l'accessoire est fait, que ça soit en carton ou en savon, si le rendu à l'écran, quand on filme l'accessoire, il y a de l'air plus vrai, ben c'est mieux de filmer un accessoire qui est fait avec des matériaux qui sont plus cheap un peu. Fait que c'est vraiment à l'écran qu'on voit si l'accessoire, il peut jouer dans un film. S'il y a le standard d'un film, évidemment, dans les super productions avec des millions, ben là, leurs standards peuvent se payer un standard plus élevé, là. Mais sinon, c'est ça, il faut pas s'attendre à ce que les matériaux sont parfois mieux que d'autres. C'est vraiment au look qu'on voit dans la caméra, dans la télévision par la suite. Dans l'histoire du cinéma, au départ, évidemment, avec l'apparition de la caméra, ben c'était plus du théâtre filmé. C'était pas vraiment des films comme on voit aujourd'hui où il y avait des successions de plans là, vraiment rapides là, de quelques secondes, 1 à 3 secondes. C'était toutes des scènes qui étaient filmées avec une caméra à distance, comme si ça filmait juste l'intérieur d'une pièce ou une pièce de théâtre standard. Puis là, les acteurs, actrices, eux autres, ils bougeaient en avant puis ils faisaient semblant de faire leur pièce de théâtre. Sauf que à un moment donné, ils ont commencé à avancer la caméra, faire des plans plus proches pour justement donner une certaine dynamique de l'image qui est assez importante dans le cinéma, sinon ça peut pas rester statique à part pour donner des effets là, statiques. Sauf que en temps normal, qu'est-ce qu'on veut dans le cinéma? L'obsession première, c'est avoir des plans de caméra qui sont parfaitement stables, mais qui peuvent bouger dans le décor pour donner un effet dynamique. Mais si le plan n'est pas stable, ça bouge de gauche à droite, il n'y a pas de stabilisateur, ben ça va paraître comme étant un film de mauvaise qualité. Donc, dans les premiers accessoires que ça prend, évidemment, c'est un trépied. Après ça, pour faire des plans stables qui tournent avec des angles de gauche à droite, après ça, on peut avoir un trépied qu'on appelle Steadicam, que ça permet de transporter la caméra, mais avec une certaine lenteur, un certain poids, ce qui fait en sorte que finalement, la caméra, elle va rester stable. Donc, ça donne des plans de caméra, le rectangle de l'écran qu'on voit va toujours rester, tu sais, il n'y aura pas de balan, il n'y aura aucun balancement. Donc ça, c'est très important. Après ça, vous avez les dollies qui sont des chariots où est-ce que la caméra, elle peut être fixée avec un bras mécanique qui monte, qui descend, avec une personne qui peut être soit assis en bas du chariot ou avec un petit banc qui suit le bras mécanique. Ça, c'est très utilisé parce que, justement, on peut faire des déplacements un peu comme une chaise roulante, là. Donc ça, dans une pièce où est-ce qu'il y a un plancher qui est stable, ça fait des très bons plans de caméra. Les principales sortes de caméras, il y a la caméra analogique, comme à l'époque, qui enregistre ou transmet un signal électronique analogique. La caméra argentique, qui utilise un film photographique, comme on utilisait les petits appareils photo avec une bobine là, à l'intérieur, ben, souvent c'était soit du 16 mm ou 35 mm, qui a été pas mal la norme pendant plusieurs années, là, jusqu'à aujourd'hui même. La caméra d'astronomie, qui est utilisée pour prendre des temps de pose très longs vers des étoiles, puis qui va avoir une haute sensibilité à la lumière, à des temps d'exposition là, élevés, soit aux infrarouges ou ultraviolets, qui vont permettre de photographier les galaxies, les voies lactées, comme la voie lactée, les planètes ou les différents phénomènes astronomiques. Il y a les caméras de détection de mouvement, mais qu'on n'utilise pas dans le cinéma beaucoup, là. Il y a les caméras à grand angle du ciel qui permettent de faire des plans sur une grande partie du ciel, les nuages, un hémisphère. Et puis ça permet aussi de calculer la radiation solaire ou la micrométéorologie urbaine. Après ça, il y a les caméras haute vitesse qui sont utilisées pour enregistrer des objets qui se déplacent dans l'air. Puis il y en a des fois qui vont filmer jusqu'à 10 000 images secondes et plus, là. Ce qui fait qu'après ça, on peut ralentir de beaucoup puis avoir des plans qui sont pas saccadés du tout. Il y a les caméras intelligentes qui sont un système de vision industrielle qui vont capter les images puis les interpréter avec un programme informatique. Il y a les caméras linéaires, qu'il y a juste une ligne de pixels. Au contraire, qu'il y a plusieurs pixels côte à côte. Ça, c'est les caméras matricielles. C'est utilisé surtout dans les machines, dans le fond, dans l'industriel. Il y a les caméras multiplanes, qui s'est créé dans les studios de Disney pour donner une espèce d'effet en profondeur au dessin animé, ce qui fait qu'il y a des superpositions d'images. On dirait que le dessin animé prend vie. Et puis que les bonhommes se promènent là, dans le même décor, finalement, là, de dessin. La caméra multispectrale qui permet d'enregistrer des images, mais avec différentes longueurs d'onde. On choisit la longueur d'onde, puis ça va permettre de discriminer ce qu'on ne veut pas filmer. La caméra numérique qui va enregistrer un signal électronique numérique avec des 0 puis des 1. C'est ce qu'on utilise essentiellement à notre époque. Les caméras sans fil qui transmettent un signal électrique par l'intermédiaire d'ondes radioélectriques avec un émetteur puis une antenne. Les caméras de surveillance, ça, il y a certains films qui ont été faits à la base de ça, là, mais il y a un film qui surveillait comme des fantômes, Paranormal Activity. Les caméras thermiques qui permettent de détecter les rayonnements infrarouges, détecter des sources de chaleur. Ça va être utilisé dans des effets comme prédateurs, où est-ce que la créature extraterrestre, quand elle voit les acteurs en bas, Arnold Schwarzenegger, ben c'est une vision de caméra thermique. Donc ça a été utilisé une couple de fois là, dans l'histoire. Les webcams, c'est les caméras après les ordinateurs. Donc même chose, on l'a utilisé une couple de fois pour des films d'horreur, des trucs du genre, mais pour filmer le film en tant que tel, c'est pas conseillé parce que la qualité est pas assez bonne, à moins que vous ayez une petite caméra webcam en 4K. Peut-être que vous pourrez vous réchapper, sinon ben ça prend une caméra par exemple GoPro qui là peut avoir plus de qualité, sauf que souvent elle va courber l'image pour avoir une vue panoramique, donc vous allez devoir replacer l'image, recourber l'image vers l'intérieur pour que ça soit plus droit, là, que ça soit un cadre complètement droit en bas. Premièrement, quand on fait un film, il faut préparer un scénario. Le scénario, ça, c'est le plus important. Parce que ça permet de savoir quelle histoire vous allez faire, quel décor ça va être, qui va être nécessaire, quel rôle, quel acteur, actrice. Dans le fond, tout est basé sur l'histoire. L'histoire, il y en a beaucoup dans le cinéma, par exemple, qui prenaient des romans pour avoir une bonne histoire de base. Parce qu'avec un roman best-seller, ben, on peut faire un film grandiose, là. Donc, par exemple, Stanley Kubrick, ben lui, son premier film, il avait écrit le scénario. Mais après ça, c'est 12 autres films. Il a juste pris des best-sellers là, qu'il y avait dans l'histoire de la littérature, comme par exemple sur les livres de Stephen King. Après ça, Stanley Kubrick, qu'est-ce qu'il faisait? Il réinterprétait l'histoire, il changeait des éléments, comme dans le film Shining, où est-ce que Stephen King, l'auteur, ben il n'était pas complètement satisfait de comment Stanley Kubrick avait retransformé l'histoire. Donc finalement, les réalisateurs, producteurs, scénaristes, eux autres, tout est basé à partir du scénario. Fait que des fois, ils voudront pas prendre de chance puis créer une histoire complètement originale. Ils vont préférer jouer dans les plates-bandes des grands romans parce qu'il y a énormément de romans à succès, là. Donc, c'est une façon assez aisée. Donc, un livre, en fait, c'est comme un film qui est déjà fait. Souvent, tous les dialogues, ben, sont écrits. Fait que finalement, on peut les adapter, les transposer à l'écran, faire un étayage, garder juste les bonnes discussions qu'on considère pour le film. Puis finalement, ben, au bout du compte, les dialogues devraient s'autosuffire, devraient être assez forts pour former une bonne histoire. Ou sinon, la meilleure méthode que je trouve, c'est de penser à créer 10, 12 à 15 scènes, que c'est les scènes les plus importantes du film, que vous placez au début dans le désordre, mais que finalement, vous essayez de penser à quelle scène serait la meilleure. Mettons, on prend des scènes typiques, là, des scènes épiques. Essayez de trouver les scènes les plus épiques que vous vous attendriez à voir dans un film. Puis après ça, vous trouverez l'ordre dans lequel vous devriez les placer. Sinon, si vous vous attendez tout de suite d'avoir le bon ordre en tête, parfois c'est compliqué, c'est mieux de penser aux grandes scènes du film qu'on saurait que c'est des incontournables au lieu d'essayer de tricoter une histoire complètement serrée à partir du début jusqu'à la fin. Ça, des fois, on a de la misère à voir l'importance des scènes, les perspectives, mais la façon d'ordonner les scènes, ben, c'est un mix des deux techniques, là. Que c'est bon d'essayer de voir le fil conducteur, qu'on va construire l'histoire pas à pas, numéro par numéro, scène par scène, ou de voir dans la globalité du film avant même d'avoir établi un ordre entre les scènes, de quelles scènes seraient les plus spectaculaires, les plus impressionnantes pour tel type de film. Ensuite, ça va donner, c'est ça, un compte-rendu qui risque d'être un petit peu mieux. C'est mieux parfois d'essayer de faire fitter des scènes ensemble qu'au départ, on savait pas trop dans quel ordre les placer, mais là que par la suite, on crée des mini-scènes qui vont s'insérer entre les scènes importantes déjà prévues, ce qui va permettre finalement de compléter le scénario au bout du compte sans avoir à s'être cassé la tête à partir du début, là, savoir l'ordre parfait là, des scènes. Évidemment, des fois, des scènes peuvent être placées, être rechangées d'étape à différents moments pour servir l'histoire, servir le tempo, servir finalement le film au complet. Faut pas avoir peur de changer une scène d'ordre là, à tout moment. Là, c'est pas coulé dans le béton, ça. Là. Habituellement, ceux qui vont faire des scénarios de films vont faire un storyboard. Le storyboard, ça permet de placer chaque plan de caméra un à la suite de l'autre sur, mettons, une feuille, là, une BD. C'est comme une bande dessinée, mais des différents plans du film là, qui bougent pas. Puis ça va permettre sur le plateau de tournage d'installer la caméra assez rapidement pour finalement pas perdre de temps à savoir dans quel angle exactement on devrait filmer l'histoire. Puis ça, ben c'est sûr que sur le tournage même, parfois on va rajouter des angles de caméra qu'on n'avait pas prévus au départ. Puis ça, il faut être capable de se laisser une bonne marge de manœuvre à savoir comment improviser sur le moment. Parce que tout dépendamment de l'endroit où ce qu'on filme, mais parfois il y a un momentum, on voit des éléments qu'on n'avait pas prévus avant, soit dans un repérage ou juste dans le scénario en lui-même, dans le storyboard, la succession des images, des dessins. Faut pas hésiter de rajouter quelques plans au tournage pour après ça n'en garder ou pas dans la version finale du film. Ce qui peut quand même faire une différence. C'est mieux d'avoir plus de plans. Par exemple, 5 à 10 plans supplémentaires. Ensuite, on choisit qu'est-ce qu'on garde, comme j'expliquais. Sinon, ben, on manque de plans, puis on manque de terminer correctement l'histoire avec le plus de richesse de plans possible. On regarde des réalisateurs comme Sergio Leone. Ben, il allait chercher des plans, des fois, des gros plans. Ce que les autres réalisateurs font pas en temps normal. Aller chercher des plans de loin, des plans avec un angle par-dessus, par en dessous, des plans de travelling qui bougent dans la pièce avec des directions qui sont quand même surprenantes, ce qui vont surprendre le spectateur. Quand on fait le storyboard, c'est bon de faire un exercice d'imagination pour essayer de voir les plans le plus possible là, avant même d'avoir à être sur place. Il y a des réalisateurs comme Alfred Hitchcock qui disait qu'une fois que son scénario y avait été fait, son storyboard, n'importe qui aurait pu faire son film, ça n'aurait pas fait de différence parce que tout avait été clairement bien indiqué sur le storyboard, sur le scénario du départ. Donc lui, il ne rechangeait pas d'idée. Il y en a qui vont faire des plans supplémentaires, mais il y en a qui pensent que leur film il est parfait à partir de la planche de dessin. Donc habituellement, dans les grands films, ben, ils vont engager des super bons storyboarders qui sont capables de faire des dessins impeccables, qui vont présenter par la suite à des gros studios de production pour essayer de faire produire finalement leur bande dessinée. Parce que les scénarios peuvent être inscrits à côté avec les dialogues, mais ça risque que si les dessins sont très soignés, ben c'est plus facile d'avoir des subventions, puis finalement aller chercher de l'argent soit au fédéral, au provincial, comme avec l'ONF ou l'Office national du film. Que les autres prêtent pas pour rien. Il faut vraiment que tout le scénario, le storyboard soit bien fait, ou sinon ils donnent pas d'argent. Mais quand c'est une production plus amateur, on peut se permettre d'avoir un storyboard un petit peu moins soigné, parce que en fin de compte, qu'est-ce qui est important, c'est que ça agisse en tant qu'indicateur à savoir où placer la caméra la journée du tournage. L'important, c'est de. Vous pouvez même faire des bonhommes allumettes avec l'angle de la caméra. Ça, vous allez savoir comment faire vos directions de caméra entre les discussions ou quand la caméra va avancer dans l'action en tant que telle. Sinon, ben vous allez être perdu la journée même pour tout trouver ça au hasard. Si en plus vous n'avez pas trop préparé les dialogues, ça va être rushant. C'est mieux de préparer les dialogues à l'avance avec les angles de plan de caméra dans les décors préconisés. Il y a différentes structures de scénario qui sont parfois vantées, qui permettrait de bien organiser les scènes ensemble. C'est des structures qui sont souvent en forme de triangle. Donc, on part d'un point de départ du film que c'est très tranquille. Finalement, ça monte en crescendo jusqu'à un nœud final où est-ce qu'il va avoir la résolution des problèmes de toute la série d'événements désastreux du film pour ensuite avoir une chute vers une finale. Donc, habituellement, c'est le modèle de Blake Snyder. Un chat dans l'arbre qui est habituellement inventé, qui est utilisé même pas mal à Hollywood. La structure en trois actes. L'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Ça, c'est la structure de Blake Snyder, comme j'expliquais. Bon, au début, ça prend un commencement. Après ça, faut qu'il y ait un événement qui va inciter le héros à aller plus loin. Le call de l'action. Il y a un appel à ce que l'action va se passer, va se dérouler. Par exemple, dans 58 minutes pour vivre. Bon, mais là, c'était finalement Bruce Willis que lui, il est sorti de sa vie banale pour aller finalement sauver l'hôtel avec les terroristes qui sont là à l'intérieur puis sa femme. Il y a un événement qui le sort de sa routine, de sa bulle normale. Après ça, il y a le climax de la scène 1. L'acte 1, ben, ça prend un événement qui va être spectaculaire pour qu'on va dire que ça va le terminer, qu'on va pouvoir passer à l'acte 2, qui est séparé encore en plusieurs parties. Après le climax de la fin de la scène 1, acte 1, ça peut être composé de plusieurs scènes, il y a à nouveau un nouvel obstacle. Puis, c'est la partie qui appelle Rising Action, ou est-ce que l'action va monter tranquillement pour se diriger vers le climax final, là, qui était dans le troisième acte. Après ça, ça prend un deuxième obstacle. Ça prend une succession d'obstacles qui vont empêcher le héros ou les héros ou le but de l'histoire de se dérouler, d'advenir à son but final. Il faut que, comme Indiana Jones, lui essaye, par exemple, d'aller chercher la pièce d'or à la fin ou le diamant en haut d'une colline ou dans une grotte au bout d'un corridor, ben il faut qu'il y ait différents obstacles qui vont l'empêcher de réaliser sa quête, mais que finalement, il va l'emporter à la fin. Mais s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, dans le fond, que tout va bien jusqu'à l'élément final, aller délivrer la princesse, aller battre le big boss, ben ça ne sert absolument à rien. Il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait des difficultés. Après ça, on arrive au milieu de l'acte 2, qui est la confrontation, le twist du centre, qui va permettre de basculer vers la deuxième partie du film. Ça peut se dérouler après une demi-heure, 45 minutes, en fait, là. Parce que finalement, le héros, l'histoire va aller vers encore plus d'action, vers un dénouement qui est de plus en plus incertain, ce qui va faire que la tension dramatique et puis la tension émotionnelle vécue par le spectateur va y aller en montant. Et puis, à partir de là, il faut quand même faire un événement qui est marquant, si possible, dans le film, dans la scène, qui fait qu'on voit là, qu'il y a une transition. Ou sinon, après ça, on continue avec les obstacles habituels, un obstacle, deux obstacles, principalement, pour arriver finalement au climax de l'acte 2, qui est le dernier plateau finalement du climax. Donc, ça, c'est le début du plateau, avec le déroulement de l'histoire, de la scène finale. On s'en va vers un climax de la nouvelle totale. Dans le sens que c'est le climax, l'apothéose du film, que là, dans le fond, l'énigme a été résolue, la mission a été accomplie. Et puis ensuite, on tombe dans la phase descendante du film de l'acte 3, où est-ce que là, la réalité va revenir à la normale, les personnages vont retrouver leur famille, et la scène qui était critique, finalement, a été résolue. Ce qui va permettre une baisse de tension dramatique chez les spectateurs qui finalement vont trouver que l'histoire a bien été et puis que c'est un bon film, si possible les gentils ont gagné, etc. Donc si on ne réussit pas à créer ce climax-là sur le timeline longitudinal, ça va être difficile d'aller chercher un maximum d'émotion. On peut y aller par différents petits climax autour du film. Sauf que cette technique-là est très utilisée par Hollywood pour justement faire augmenter toujours la tension, là, puis que ce soit pour un film d'horreur, un drame, un film d'action, il n'y a pas de différence là. Ils vont essayer de créer une intrigue comme ça qui va se dérouler en trois actes. Ce qu'il faut être capable de voir en premier, évidemment, c'est le synopsis, ou est-ce que c'est le pitch, l'idée générale du film. Quel genre de film on a envie de faire, un film de loup-garou, un film de zombie, un film d'amour, un film d'enquête policière. Puis une fois qu'on a choisi un certain type de film, on essaie de trouver un angle qui n'a jamais été abordé. Par exemple, Stanley Kubrick, lui, il regardait tous les grands chefs-d'œuvre d'un modèle de film, un type de film, par exemple, La guerre au Vietnam. Une fois après avoir regardé tous les films majeurs, lui, il se disait comment moi je vais interpréter, comment je vais aborder cette problématique-là pour que ça soit nouveau, puis que potentiellement que ça soit révolutionnaire, que ça soit meilleur que tous les autres films de Vietnam qui ont été faits. Dans cette approche-là, ça lui permettait d'être très innovateur, puis de se démarquer des autres réalisateurs, des autres scénarios, ce qui lui a fait gagner des prix, puis une notoriété internationale. Il faut être capable de voir avec quel angle on va traiter le problème, avec quelle valeur. Est-ce que c'est, par exemple, la solitude, comme dans le film avec Tom Hanks, qui est sur une île? Est-ce que c'est l'amour qu'on veut présenter, la jalousie, la trahison? Quelle émotion principale on veut mettre en relief dans le film? Ça, c'est important de le voir. C'est pas rien que des événements cinématographiques, là, des événements temporels qui suivent, mais c'est aussi des émotions qu'il faut faire vivre aux spectateurs, spectatrices, les orienter vers des directions artistiques émotionnelles, faisant en sorte qu'ils vont s'en rappeler des années plus tard, car ils vont avoir vécu des instants très intenses. Parce que c'est sûr que le flot émotionnel dans la constitution d'une personne, c'est important, car c'est des flots hormonaux. Donc, en faisant des films, ben on sait qu'on va jouer là-dessus sur les niveaux hormonaux. Si on fait bien peur à personne, ou si elle a par exemple de la peine, elle va vivre une palette d'émotions qui vont être déclenchées par le réalisateur, par le scénario. C'est souvent tout stagé à l'avance. Il faut penser tout le temps qu'on écrit le film pour le spectateur et non pas pour l'équipe de réalisation ou les scénaristes et producteurs. Ensuite, au sujet des acteurs, des personnages, il faut se demander qui est-il? Qu'est-ce que le personnage va faire? D'où est-ce qu'il vient? C'est quoi son histoire? Où est-ce qu'il s'en va? Et pourquoi qu'il va vers cette quête, vers ce but? C'est des questions qu'il faut se poser direct au départ, à savoir le pourquoi du personnage, des personnages. Qu'est-ce qu'ils vont exécuter dans l'histoire? C'est quoi leur ordre d'importance? Est-ce que c'est le héros, deuxième héros, etc., personnage tiers? Donc, la création des personnages, ça, c'est un des éléments moteurs de l'histoire. Si on ne sait pas les personnages, parce qu'en fait, un film, là, ça prend des personnes, là, ça peut être des animaux, ça peut être des poissons, comme dans Nemo, même si ce n'est pas des humains en tant que tels, ça peut être des chiens, des chats. L'important, c'est que les personnages, eux autres, ils développent le déroulement de l'histoire. Dans les personnages, il y a des qualités qui peuvent être abordées, comme par exemple, au sujet des acteurs eux-mêmes, comment ils vont jouer les rôles, mais aussi au niveau de la création, de l'originalité, des émotions, des aspirations des personnages. Bon, pour les acteurs qui vont jouer ces personnages-là, c'est important de trouver le bon acteur, la bonne actrice pour tel type de personnage. Sinon, ça va donner des résultats qui vont être moyens. Quand on va évaluer un acteur, une actrice, c'est important de regarder plusieurs points. Moi, j'ai énuméré 11 points là, qui sont quand même assez cruciaux à respecter, ou sinon, il va y avoir des lacunes dans le jeu, puis dans la prestation finale, le rendu final à l'écran. Par exemple, c'est toutes des notes qui sont évaluables de 1 à 10, ou en pourcentage, là, qui fait qu'on peut donner une notation à un acteur-actrice, puis après ça, voir c'est quoi ses forces et faiblesses en fonction de sa note globale, finalement, là, de chaque élément analysé. Donc, l'élément numéro 1, c'est la mémorisation. Donc, il y en a qui sont capables d'apprendre des textes par cœur. Ça, c'est une des qualités premières de l'acteur-actrice. S'ils sont pas capables de retenir les textes, c'est sûr que c'est pas fameux. Au cinéma, c'est moins pire, parce que les gens peuvent seulement dire une petite réplique ou deux juste après que la caméra ait commencé à filmer. Donc, c'est moins nécessaire de tout retenir, les grands textes, comme il se faisait à l'époque autrefois dans les pièces de théâtre, parce que ça prenait des gens en bas là, de la scène qui étaient cachés dans des tuyaux là, qui pointaient vers les acteurs pour leur souffler le texte, advenant dans le cas qu'ils l'oublient. Donc, mais dans le cinéma, la mémorisation, c'est une petite affaire moins importante, quoique ça va donner souvent une espèce de fluidité entre qu'est-ce que la personne est capable de mémoriser comme texte et puis les actions qu'elle va effectuer devant la caméra. Il ne faut pas qu'il y ait de délai, vraiment. S'il y a un délai, ben on voit que la personne a réfléchi avant de dire sa réplique, ce qui n'est pas fameux. C'est toujours mieux qu'il y ait le moins de délai possible. Comme ça, ça paraît plus vital, ça paraît plus réaliste, crucial, viscéral pour la personne. Séraphin Poudrier, qui était joué par Jean-Pierre Masson, ben il était tellement bon pour exécuter son rôle qu'on dirait pas que c'était un personnage. Il n'y avait aucun délai. Il disait les répliques automatiquement qu'il les pensait, puis il se plantait directement dans la peau de son personnage. Il tombait directement dans ses souliers, là. Ce qui a fait qu'il a connu un tel succès, puis que l'image y est tellement collée par la suite qu'il n'a pas été capable de faire d'autres rôles. Il a eu une carrière où il a joué dans 3 petites productions, là. Mais le rôle de Séraphin Poudrier, il a tellement collé que cet acteur-là a eu une carrière courte. Par la suite, il est tombé dans l'alcoolisme, puis dans la solitude. puis était très aigri, finalement, de ne pas retrouver d'autres métiers où est-ce qu'il aurait pu jouer là, dans des pièces de théâtre ou des films avec tout le talent qu'il avait. Après ça, il y a la capacité d'improvisation. Il y en a qui sont très bons. Ça, c'est plus... ça nécessite une mémoire vive, là, très, très affûtée. Où est-ce qu'on est capable de répondre du tac au tac? C'est souvent la capacité d'improvisation qui est la plus difficile à faire. Ça, il y en a qui vont se pratiquer dans les clubs d'improvisation. Où ce que là, ils vont affronter différents acteurs-actrices dans différentes séquences, dans différents contextes. Ce qui va lui permettre de se pratiquer, d'avoir une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité, leur permettant par la suite d'improviser directement sur un tournage de film. Car des fois, bon, c'est les répliques qui sont écrites dans le storyboard qu'on va utiliser, mais des fois aussi, il va y avoir de l'improvisation qui va se rajouter, autant dans les plans de caméra qui sont filmés de gauche à droite, que dans les répliques des acteurs-actrices, qui peuvent, eux autres, des fois, avoir des idées sur le coup, des idées qui vont faire en sorte que ça va être plus riche dans l'histoire de rajouter des répliques improvisées. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à dire aux acteurs et actrices d'improviser là, quelques répliques supplémentaires pour chaque plan qui avait été prévu. Puis encore là, au montage, ben là, le monteur pourra garder des plans ou non en fonction de la qualité là, des répliques. C'est pas tout le monde qui est bon en improvisation, c'est une des techniques les plus difficiles là, à pratiquer. Après ça, il y a l'imitation. Il y en a qui sont capables d'imiter des voix, imiter des gestuels, des accents, des expressions, etc. Il y a des très grands imitateurs qui ont été répertoriés dans l'histoire du cinéma, du théâtre ou du spectacle en général. Par exemple, Louis de Funès. Bon, ici au Québec, on a Steve Diamond, Michael Rancourt, Jean-Philippe Gagnon. Il y en a qui sont capables de prendre complètement l'accent d'une autre personne. Ça, c'est très rare. C'est un des talents qui est le plus difficile à exécuter. Il y en a qui sont capables de faire des mimiques, des gestuelles qui sont particulières. Comme j'expliquais avec Louis de Funès, lui, il faisait toutes sortes de petites simagrées dans le détail qui faisaient en sorte qu'il y avait un jeu très drôle, très unique, très stylé à lui. Un autre exemple, il y aurait Mr. Bean, qui a encore là toute la gestuelle des Britanniques, de l'acteur timide, l'acteur maniéré, qui a presque des problèmes de toc. On peut parler aussi de Jim Carrey, qui a toute une mimique, une gestuelle, qui n'est pas vraiment égalée par d'autres acteurs bien bien de son époque. Il y avait aussi Michel Courtemanche, qui a eu une carrière aussi fulgurante avec toutes ses imitations. Il était capable de faire des mimes, de ne pas parler bien ben dans ses spectacles à part faire certains bruits. Là. Donc ça, c'est des talents extrêmement rares. Les acteurs et actrices peuvent se pratiquer en essayant d'avoir plus de mimiques pour que ça révèle plus, ça souligne finalement les émotions, ça souligne les gestes, l'action durant le tournage, durant les scènes du film. Donc c'est assez important qu'il y en ait, non pas d'avoir des jeux trop statiques où est-ce qu'on ne soulignerait pas les émotions, les paroles là, qui sont dites au cours du scénario. Si on fait un italien, ben on essaie d'avoir des gestes d'italien pour que ça ait de l'air vraiment un italien qui parle et non pas qu'on s'exprime comme un paysan ou comme un bûcheron ou comme une danseuse de ballerine. L'important, c'est d'avoir exactement la bonne mimique pour le bon personnage. Puis ça peut se pratiquer avec le temps. Pour essayer d'avoir la bonne mimique, que ça soit un russe, que ça soit un motard, c'est toutes des mimiques qui sont différentes. Si on ne les maîtrise pas, ben le personnage va être beaucoup moins crédible. Après ça, une autre affaire qui est importante, c'est la voix, les accents, la voix, l'intonation, le langage, les dialectes. Si on fait, par exemple, c'est ça un italien, ben il faut avoir le dialecte, il faut avoir la voix qui fait les ondulations, qui semble sauter comme ça, là, comme bondir. Si on fait un accent asiatique, ben il faut donner les intonations au bon moment. Donc, la voix, c'est très important de la maîtriser au maximum. Ça, c'est au niveau du contenant, dans le sens que c'est la forme et non pas le contenu. Le contenu, ça va être qu'est-ce que les répliques disent. selon le texte, mais la façon de le dire avec la voix, c'est super important que ça soit maîtrisé numéro un. Sinon, ben, il faut changer sa voix, il faut repratiquer jusqu'à temps que ça soit parfait. Sinon, ça va tout bien s'entendre avec le micro par après, là, puis à l'écran. Un autre facteur important qu'on peut analyser, c'est le charisme de la personne. Son espèce d'aura magnétique de l'acteur, de l'actrice, qui fait que quand l'actrice rentre dans la pièce, ben, il y a une espèce d'aura magique autour d'elle qui fait que tout le monde va se retourner. On parle de Marilyn Monroe, Britney Spears, des grandes actrices, Marlene Dietrich, qui dégageaient là, une espèce d'aura d'exceptionnalité. En fait, c'est la somme de ce que la personne dégage à l'écran ou en entrant dans une salle. Ça, on peut parler aussi de l'éclat du visage de certaines belles actrices qui ont un beau teint, une belle chevelure. Donc, elles vont être resplendissantes. Et puis, si ensuite, elles ont les bons comportements au bon moment, de finesse, etc., des gestes posés, ben là, on va dire qu'elle a un certain charisme qu'une autre actrice n'a pas, par exemple. Ensuite, le jeu émotionnel, en septième position, ce qui est assez important, être capable de faire sortir les émotions le plus possible de ses personnages, ce qui va permettre de juxtaposer certaines émotions, mettons la tristesse, la joie, la peur, la surprise, la détresse, etc. Si les personnages n'ont pas de bonnes émotions, ben évidemment, le jeu ne sera pas très juste, ce qui va faire en sorte que vous avez bien beau avoir des super cascades, un super scénario, des bonnes répliques, mais l'émotion ne fit pas avec la réplique, eh bien, à ce moment-là, ça va tomber, là. Ça sera pas aussi savoureux que si tout ça, avec la voix, la mimique, tout ça ensemble, l'émotion intense va permettre de libérer complètement le propos de l'acteur, de l'actrice. Et puis, les spectateurs, spectatrices, eux autres, ben, ils vont ressentir les émotions des personnages, donc ils vont s'y associer. Puis ils vont avoir plus tendance finalement à aimer le film en général parce qu'ils vont avoir trouvé qu'ils ressemblaient à leurs acolytes là, durant les aventures qu'ils ont vécues. Il y a des acteurs-actrices qui sont plus drôles que d'autres, en huitième point. Ça, c'est un talent naturel qu'on a ou non. Le fait d'être drôle, loufoque, ben, il y en a qui font presque rien, puis tout de suite, au naturel, les gens vont cramper autour. Être capable d'utiliser de l'ironie, faire semblant qu'on ne sait pas, jouer au deuxième degré, ça c'est important. D'être capable d'être toujours un petit bout en train, si le scénario s'y prête, ben ça va être meilleur finalement. Si la personne n'est pas drôle du tout, c'est dans un film d'humour, ben ça fitera carrément pas. Il y a des acteurs actrices qui vont avoir des castings particuliers pour ça, parce qu'on sait que du moment que la caméra tourne, ils vont avoir des répliques drôles, ils vont avoir des gestuels drôles, ce qui fait que ça simplifie beaucoup le travail pour la réalisation, la production, de rendre le film drôle au complet, là. Donc, c'est souvent les mêmes acteurs-actrices qu'on va revoir dans les comédies, parce que justement, ils ont une bouille assez loufoque, au contraire des acteurs-actrices qui ont plutôt une face épeurante ou une... ils ont un air sévère, ben eux autres vont avoir tendance plus à faire des films d'horreur, des films où est-ce qu'on a de la misère à les voir dans d'autres choses que ça, là. Tu sais, ils n'entendent pas à rire, là. Que si on parle de l'acteur qui a fait Freddy, ben tu sais, évidemment, ce gars-là, dans un film d'humour, il serait probablement difficile à placer. Ou Adam Sandler, dans un film d'horreur, ben il serait pas crédible, parce qu'on le sait qu'il est trop drôle en temps normal. Rob Schneider, même chose, un acteur qui souvent il joue dans ses films. Rob Schneider, il a une bête très loufoque. Donc, il ne pourrait pas jouer dans un film comme Jason, Vendredi 13. Ça serait pas très crédible. Il faudrait qu'il soit maquillé. Ou t'sais, les gens sont habitués de le voir dans un certain type de film. Donc, ça se pourrait que ça fonctionne carrément pas, là. Après ça, un autre critère important, c'est l'espace-temps. Comment la personne va occuper et combler l'espace-temps dans lequel elle va avancer. Il y en a qui vont occuper tout l'espace. Ils rentrent dans une pièce, puis tout d'un coup, on voit juste eux autres. Il y en a qui prennent presque pas d'espace, sont timides, vont être reclus dans les coins, sur le côté des murs. Donc, dans une scène de film, tout dépendamment de l'importance du personnage, de l'action, de qu'est-ce qui se passe, ben ça va être important de prendre le plus possible d'espace là, pour que le personnage finalement libère tout son potentiel, toute sa puissance. Que s'il prend pas l'espace à moitié, sa prestation va être beaucoup moins bonne, puis on n'aura pas l'impression de l'avoir vu passer dans la scène. C'est sûr que si tout le monde essaie de prendre trop d'espace, à un moment donné, ça peut avoir de l'air saturé, là. Il faut être capable de balancer, mais en général, si les acteurs-actrices s'étudient l'un l'autre, ben ils vont savoir quand prendre l'espace au bon moment pour que ça détruise pas le temps de l'autre acteur quand il fait ses répliques. C'est vraiment une alternance, c'est comme un solo quand on entend un groupe de musique, ben dans le jazz ou dans le blues, ben souvent il va avoir le drum qui va faire son petit solo tout seul, après ça la guitare, après ça la bass à l'embarque a fait son petit solo. Après ça, revient à l'accompagnement standard. Même affaire pour les voix, les trompettes. Si on laisse chaque musicien faire ses passes, ses solos, ben là, c'est toute la chanson qui se retrouve à être meilleure. Donc, il ne faut pas que tout le monde essaye de faire son solo, sa prestation de film en même temps, sinon ça devient cacophonique. À part pour certaines scènes, là, que tout le monde faut qu'il parle un petit peu un après l'autre. Là. Mais en général, faut laisser le temps à l'autre actrice de finir ses répliques pour entamer ses répliques puis reprendre tout l'espace possible nécessaire pour que la prestation soit très bonne. Ensuite, le 10e point qu'on peut évaluer de 1 à 10, c'est le vocabulaire. C'est les expressions que l'actrice, acteur vont prendre. Les répliques les plus riches, les plus diversifiées que si l'acteur-actrice n'a presque pas de vocabulaire. En même temps, le vocabulaire est supposé être celui du scénario, du script qui est écrit auparavant, mais comme j'expliquais tantôt, l'acteur-actrice peuvent improviser au fil du temps du film, du tournage. Donc, si la fille elle connaît beaucoup de vocabulaire, est capable de donner, des exemples dans le dictionnaire, elle a des mots riches de poésie, quoi que ce soit, ben ça va augmenter la qualité sémantique du film. Au bout du compte, ben on va le remarquer, puis ça peut rendre le film encore plus classique. Après ça, ben il y a l'intensité. Ça, c'est très important, l'intensité avec laquelle on va tout faire ces étapes-là, que ça soit d'avoir une bonne capacité d'improvisation, l'intensité pendant qu'on fait des imitations, pendant qu'on a des gestuels, des mimiques, l'intensité de la voix, est-ce que la voix va être plus forte, plus faible? C'est important d'aller chercher des voix fortes, de bien articuler, après ça, de parler proche du micro là, quand il y a un perchiste, là, sinon ça peut être un micro qui est à distance. Et l'important aussi de l'intensité des émotions, du regard. Être capable d'avoir un regard très concentré, très fixant, ce qui va permettre d'être plus intense à l'écran. Comme si les yeux finalement étaient translucides, comme si on voyait au travers. C'est pour ça qu'un gars comme Sergio Leone, dans ses films de Spaghetti Western, utilisait beaucoup des personnes avec les yeux bleus, parce qu'il trouvait que le regard était plus intense. Des yeux verts feraient aussi l'affaire. Un acteur comme Klaus Kinski, il avait toujours des regards très intenses, que ce soit dans ses films d'action, ses films plus dramatiques. On le sentait vraiment comme là, très présent avec des yeux de hibou. Si on n'a pas l'intensité, ben tous les talents qu'on a énumérés précédemment, ben ils vont tous être effectués à moitié. C'est important d'être capable d'aller chercher le maximum de présence pendant qu'on joue le film. La présence, c'est pas le temps de l'avoir 5 minutes après. C'est vraiment à partir du moment que la caméra filme, qu'on dit action, il faut être au maximum de son intensité, de sa puissance. Sinon, ben la caméra, elle, tout qu'est-ce qu'elle va capter. Par la suite, ben, on va le voir que ça a été joué à moitié, que l'intensité au niveau des émotions n'était pas assez bonne, au niveau du regard, des dialogues, on a mal soutenu les dialogues. Les actions, par exemple, on prend un bâton de batte de baseball, on prend une tasse. Ben si c'est une intensité dramatique qu'il faut avoir, ben il faut le prendre en conséquence. Il faut que ça ait l'air convaincu comme mouvement. Donc, l'intensité, ça, ce niveau-là de volume, mais il faut pas avoir peur de le monter dans les 7, 8, 9. Puis jamais perdre ça à l'esprit quand ça dit action, il faut se donner vraiment au maximum. Steven Spielberg, lui, on sait qu'il fait toujours des films parfaits. Il a une réputation de pas manquer ses films. C'est pour ça que les gros studios de production vont le réengager à répétition. Il a fait pratiquement rien que des chefs-d'œuvre. Francis Ford Coppola puis Martin Scorsese, ben eux autres sont réputés pour être des réalisateurs très stylés. Okay, c'est comme ça, dans le fond, qu'il faut évaluer les critères pour juger de la validité d'un acteur ou non. Puis ensuite, ben, ça va être la façon d'y donner des bonnes directives de réalisation afin qu'il puisse pleinement là, exploiter ses ressources, puis augmenter la qualité globale du film, puis rendre contents les producteurs, puis les bailleurs de fonds. Je vais vous donner maintenant quelques trucs pour des tournages professionnels, des règlements qui sont importants à respecter, parce que si le tournage est mal fait, bien ensuite, faire le montage, ça ne sera pas vraiment mieux. Ça va être très difficile de faire un bon montage s'il n'y a pas eu un bon tournage. Donc, si au départ, tous les plans sont bien filmés, bien, il n'y a pratiquement rien à corriger par la suite. Si ça a tout été mal filmé, que c'est des plans qui sont instables, qu'il n'y a pas la bonne lumière en arrière, la lumière dans les visages des acteurs actrices, ensuite que ça n'a pas été coupé au bon moment, les répliques, qu'on n'a pas les bonnes émotions, on n'a pas les bons dialogues d'enregistrer, ben le tournage, finalement, ne sera pas très vargeux, ce qui fait que le montage ne pourra pas être bien, bien mieux. C'est sûr qu'au montage, souvent, on va dire qu'on peut tout rattraper en post-production, mais par expérience, la plupart des réalisateurs vont vous dire de vous forcer au tournage, ce qui est vraiment important. Donc, la règle numéro un quand on fait un tournage de film, c'est de ne pas regarder dans la caméra pour les actrices, parce que s'ils regardent en caméra, ben c'est comme s'ils révélaient la position de la caméra. Puis la caméra, ben on n'est pas ça, c'est comme un spectateur impartial objectif, on n'est pas supposé savoir qui est là. Donc, même s'il y a une immense caméra 35 mm, Betacam avec des grosses roulettes, un chariot, une équipe en arrière, ben il faut vraiment pas la regarder, il faut regarder n'importe où, sauf dans la caméra, même si elle passe directement en face de son visage. Du moment que vous allez regarder dans l'objectif, ben, à ce moment-là, au montage, ben, habituellement, il faut qu'il coupe ça. Là. S'il ne coupe pas, ben, ça fait vraiment amateur. Dans les grands films, c'est très rare qu'on va voir un acteur regarder dans une caméra. Tout le monde est averti, puis même les figurants en arrière, c'est quelqu'un qui regarde en caméra, ça va être mal vu. Il va falloir recommencer les plans. Deuxième règlement, qui est un peu dans le même type, ne pas sourire devant la caméra. Souvent, si le personnage n'a pas à rire, à sourire, ben, il faut vraiment pas avoir un petit sourire en coin du fait que souvent les débutants, eux autres, ben, ils vont comme rire à la deuxième personne, tu sais, ils rient du fait de faire un film comme s'ils se regardaient dans l'écran de télévision. Mais là, quand on fait un rôle, ben, il faut être à la première personne, il ne faut pas être à la deuxième personne. Donc, il faut attendre de visionner le film après pour rire, avoir un petit sourire en coin, puis trouver ça rigolo. Il y en a souvent qui vont trouver ça drôle, mais pendant le tournage, qui est vraiment pas... ça fonctionne pas du tout. Il faut vraiment s'enlever ce petit sourire-là du coin, puis il faut être capable de ne pas regarder dans la caméra. Ça, c'est la base là, que souvent les jeunes ne maîtriseront pas. Troisièmement, ben, il faut laisser finir les autres leur réplique quand ils parlent et pour après ça dire sa propre réplique. Si vous attendez pas qu'une autre actrice dise sa réplique et vous embarquez par-dessus, ben, les deux sons vont se mélanger puis ça va être difficile à enlever par après à la post-production. Il y a des programmes qui peuvent séparer les voix, mais c'est quand même assez complexe. Donc, l'idéal, c'est de laisser l'autre dire sa réplique. On attend un petit peu, ensuite on embarque. Puis, ce qui va être plus facile pour le monteur de couper directement une fois que le dernier mot, la dernière syllabe est prononcée. Paf, on coupe. Après ça, on peut passer à une autre réplique, un autre plan de caméra. Ensuite, c'est important, comme j'expliquais tantôt, de parler fort. Souvent, les micros sont efficaces en partie, mais selon le soundman, s'il ne dirige pas le micro dans le bon angle, une personne qui ne parlera pas assez forte, ben, on va entendre plus des murmures en arrière, puis ça va laisser aussi un son d'ambiance qui va être plus présent, ce qui n'est pas très bon à l'audition. Ainsi, le fait de bien articuler et de parler de façon assez soutenue va permettre de faire une captation sonore vraiment plus de qualité. Ensuite, c'est bon d'écrire au moins 10 à 20 répliques minimum avant chaque scène. Si vous n'avez pas écrit la scène au complet, puis que vous n'avez pas fait le storyboard plan par plan, puis en plus vous n'avez pas écrit aucun texte à l'avance, ça va être très difficile de faire de quoi à la journée de tournage. Ça prend au minimum un petit storyboard qui va placer les angles, comme j'expliquais auparavant, à savoir où vous placez, ou, dans le cas contraire, d'avoir les répliques. Si vous n'avez pas les plans, puis vous avez les répliques, au moins vous avez la moitié des éléments importants. L'histoire en tant que telle, ben vous la connaissez, là, vous savez c'est quoi le but de la scène, mettons la scène au métro, la scène au dépanneur. Bon, mais au dépanneur, ben les acteurs et actrices sont supposés acheter des trucs au dépanneur. Après ça, les dialogues, ben ça, comme je vous dis, ça peut être improvisé, mais c'est mieux de préparer quelques dialogues à l'avance. Des dialogues qui se répètent pas d'une scène à l'autre, que c'est pas des expressions qui se répètent trop non plus, pour être certain qu'il y a une certaine progression dans l'histoire, dans les péripéties. En sixième place, c'est important de ne pas répéter des petits mots comme «sti», «là», des petits mots finalement qui vont venir parasiter les répliques standards. Pourquoi? Parce qu'au montage, mais ça va être très difficile de les enlever s'ils suivent toujours une réplique normale, ça veut dire un mot. Si la personne a dit il y a beaucoup de température aujourd'hui, «sti». Le «sti», il est bien tough à couper parce qu'il suit tout de suite le mot, là. Donc ça, après un certain temps dans un film, ça finit par devenir lourd. Quand il y a trop de petites répétitions comme ça, c'est mieux d'avertir les acteurs et actrices de faire attention de ne pas trop en mentionner. À court terme, ça paraît pas tant que ça, mais sur 1h15, 1h30, on peut finir par reconnaître des expressions là, qui sont plus ou moins importantes, là, que ça peut être très facile de ne pas les dire. Une autre affaire importante à remarquer, c'est qu'il ne faut pas que les artefacts, les accessoires, les décors soient déplacés durant le tournage et puis que ça apparaisse à l'écran. Parce qu'on voit souvent des films où est-ce que sur une table, ben, un verre d'eau s'est déplacé, il y a un accessoire qui est apparu. Les spectateurs qui vont regarder votre film, ben, eux autres vont se faire un plaisir à tout énumérer les détails là, des accessoires qui ont changé de place. Sur des vrais films internationaux, ben là, ils vont avoir des personnes qui sont spécialement engagées pour ça, autant pour surveiller le déplacement des accessoires que surveiller les costumes, les peignures, pour pas qu'il y ait rien qui ait changé, que d'un plan à l'autre, finalement, vu que ça a été tourné quelques minutes, quelques heures après, que ça crée un clash, qu'on voit que la peignure est pas dans le même sens ou qu'il y a une affaire qui est apparue. Par exemple, la personne, elle avait sa cravate, après ça, elle avait plus sa cravate. Ça peut créer des problèmes de raccord là, quand les plans sont tous posés un après l'autre, ben on voit la différence. Après ça, il faut vérifier s'il n'y a pas de reflet d'ombrage dans les vitrines, dans les miroirs en arrière de la caméra, pour pas que ça apparaisse finalement, que ça fasse un reflet. Parce que quand on filme une personne, ben souvent il y a des trucs en arrière qui vont être réflecteurs. Si on surveille jamais, ben on va finir par se filmer soi-même. Ce qui fait qu'à l'écran, par la suite, ben ça va être très visible pour les spectateurs. Puis ça peut être une erreur qui est mentionnée là, très aisément là, par l'auditoire. Il faut vérifier aussi pour l'échantillonnage sonore qu'il n'y ait personne qui parle en arrière du film. Quand il y a quelqu'un qui est filmé, il fait ses répliques. S'il y a quelqu'un en arrière qui parle, ben il va venir tout parasiter la traque de la personne enregistrée. Ça, comme j'expliquais tantôt, c'est un petit peu difficile à enlever, ça se fait, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir une trame sonore parfaite, ou est-ce que si on veut, on peut rajouter peut-être une personne, des sons ou une musique par la suite, mais pas que quelqu'un parle. Si deux personnes parlent en même temps, si on n'entend pas bien, bien, il va falloir que la réplique soit doublée par après, qu'elle soit réenregistrée au poste montage, ce qui va permettre que ça soit un son qui va être franc, puis que à l'écran, ben, on va bien l'entendre. Il ne faut pas détruire le matériel, endommager les accessoires, perdre des trucs, parce que des fois, les tournages, entre chaque scène, entre chaque plan de caméra, il peut se passer, comme j'expliquais, des semaines, des mois. Donc, si les accessoires ont été perdus, ont été abîmés, ben ça va apparaître par la suite à l'écran. On va voir que des petites anicroches qui n'étaient pas là auparavant dans le plan d'avant ou le plan d'après, ce qui n'est pas fameux, ça va être remarqué très vite. Ensuite, il ne faut jamais oublier de nettoyer la lentille de caméra avant chaque tournage. Des fois, on n'y pense pas, on commence à tourner trop tôt. Il y avait des petites saletés à l'intérieur de l'appareil. Des fois, il faut nettoyer la poussière avec une poire là, qui souffle l'air. Ou il y avait des petites taches dans la lentille, ce qui fait que ça va créer une espèce de spot qu'on voit pas bien à travers. Là. Donc, c'est important de prendre quelques secondes, quelques minutes pour s'assurer que les objectifs soient toujours très bien nettoyés. Il faut faire attention pour ne pas déconnecter des appareils durant le tournage, comme le micro. Le micro, s'il est connecté avec la caméra, ben, s'il est déconnecté au passage, ben, l'échantillonnage sera pas bon. Il va falloir faire le son par après à la post-production. Après ça, il faut, comme je mentionnais au départ, avoir des plans de caméra très stables. Si les plans sont stables, ben, déjà, ça a l'air plus professionnel. On se dit ils ont mis de l'argent sur la stabilisation. Donc, ils ont des bons appareils, ils ont des bonnes caméras. Il y a des caméras avec le double stabilisateur. Il faut pas rire non plus quand on tient la caméra, avoir des émotions brusques, ce qui risque de faire justement bouger la caméra de façon saccadée, puis détériorer la qualité visuelle du film. C'est important aussi de s'assurer que le focus est toujours bon. Si le focus est pas bon, ben ça va être flou. Donc tout ce qu'on va avoir filmé, ça va être hors champ. Dans le cinéma standard, ils utilisent des lentilles qui peuvent avoir une distance focale prédéterminée, ou on peut utiliser des focus. Là. Puis il faut vérifier aussi que les personnes n'ont pas des accessoires qui ont changé sur eux autres, comme j'ai mentionné tantôt, mais ça c'est le caméraman qui le voit. Les acteurs, actrices, eux autres, ils le voient pas, ils jouent dans le film. Donc, si la personne qui leur mentionne, ben tout ce qui est filmé, le décor qui est filmé en arrière, ben ça sera pas très bon. Là. C'est vraiment important que la personne... Habituellement, tu peux avoir un directeur photo, tu peux avoir le cadreur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Thank you.